Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebe'a hudâthum emme ba'd. Donc nous continuons aujourd'hui la lecture dans la traduction d'une épître importante de l'éminent savant Cheikh Ahmed ben Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, qui est une réfutation d'une lettre de Abdullah ibn Jibrin lorsqu'il était en train de lui reprocher pourquoi il écrit un livre où il y a la critique, où il critique, hein, où Cheikh Najmi critique, hein, donc les sectes comme Al-Ikhwan Al-Muslimoun. Et donc la dernière fois on a commencé ce sujet et on était en train donc de lire la réponse du Cheikh Rahimahullah Ta'ala relativement à une parole de Abdullah ibn Jibrin, qu'Allah leur fasse miséricorde tous les deux, mais le faux doit être réfuté. Lorsqu'il y a une faussée, elle doit être réfutée. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui soutient les gens d'innovation et il ne revient pas, donc il fait partie donc des leurs, il fait partie d'eux. Voilà, donc on était en train de lire la réponse de Cheikh Najmi relativement au premier point où Ben Jibrin s'est étonné que donc Cheikh Najmi consacre un chapitre, le 9e chapitre de Al-Mawrid al-Adl al-Zulal, et j'ai apporté donc le livre aujourd'hui où vous trouvez donc la préface de Cheikh Salih al-Fawzan et la préface donc de Cheikh Rabi' al-Madkhali, qui sont de grands savants dans la communauté musulmane, ainsi que les commentaires de l'érudit savant aussi Mohammed bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, donc qui est un disciple de Cheikh Najmi aussi. Donc donc il a commenté le livre. Donc là le Cheikh était en train de défendre pourquoi il écrit donc dans la critique de cet homme et de sa secte qui est Al-Ikhwan Al-Muslimoun. Et donc on était arrivé au sixième point. Il a dit, sixièmement, hein, nous avons été éprouvés à notre époque par des méthodologies de prédication provenant de l'extérieur de notre pays. Donc, et qui ferment l'œil sur le polythéisme majeur, qui néglige l'unicité et accomplissent des adorations innovées. Donc, ibtulina bihadid da'awat, comme dit le Cheikh. Nous avons été éprouvés par ces méthodologies. Parce qu'en Arabie, l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas donc beaucoup de manahij, beaucoup de méthodologies. Donc, après la da'wah de Cheikh l'Islam Mohammed bin al-Wahhab, donc cette terre vivait sur un seul manahij qui est manahij al-Salaf Salih. Or, avec l'intrusion, avec donc la pénétration de l'Ikhwan Muslimoun dans cette région, donc petit à petit on va commencer à avoir d'autres manahij, hein, tels que cette voie de l'Ikhwan Muslimoun, ainsi que donc la voie aussi de At-Tablir. Alors que à la base les musulmans doivent vivre sur la méthodologie de As-Salaf As-Salih, hein, donc doivent vivre sur la méthodologie de As-Salaf As-Salih. Donc le Cheikh il est en train de lui expliquer, on a été éprouvé par ça. C'est-à-dire qu'eux, en Arabie Saoudite, ils vivaient donc dans la sérénité, la tranquillité. Ils étaient en train de vivre selon cette voie de As-Salaf As-Salih. Soudain, ils vont avoir lieu, ou bien donc, ils doivent faire face à une méthodologie qui est inventée. Hein, qui est inventée, donc qui a un fondateur contemporain, etc. Et qui va commencer à théoriser une voie. Alors que donc, les musulmans, ils ont une voie, hein, qui est la voie de As-Salaf Salih, la voie ordonnée par Al-Qur'an et As-Sunna. Hein, par Al-Qur'an et la Sunna. Donc là, le Cheikh, il était en train de lui expliquer que donc, on a été éprouvé par ça. Est-ce qu'on ne va pas répliquer à cela? Est-ce qu'on n'a pas le droit de réfuter cela et de répondre à cela? Et il a dit, et parmi ces méthodologies, la plus répandue, hein, la plus corrompue et corruptrice est celle des frères musulmans. Hein? Donc la plus ici donc Cheikh Najmi considère que les frères musulmans, ce groupe des frères musulmans constitue une voie qui est la plus corrompue et la plus corruptrice, hein? Donc, c'est-à-dire qu'elle est corrompue en elle-même et elle corrompt les sociétés. Et elle corrompt les sociétés. D'accord? Elle procède à quoi? À un lavage des cerveaux des jeunes qui y grandissent. Un lavage des cerveaux. Hein? Les muons ont des révoltés. Donc, si vous allez voir le jeune qui s'affilie à cette voie, petit à petit, il n'a pas des bases en religion, il n'a pas beaucoup de connaissances en religion. Hein, il les éloigne. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait, il connaît les anachides. Il n'a pas donc des bases dans la aqida. Il n'a pas des bases dans comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sur la voie de as-salaf salih. Mais petit à petit aussi, ils vont mettre dans son esprit hein, la révolte contre les gouverneurs. Hein? Donc il a un esprit révolté. Donc elle procède à un lavage des cerveaux des jeunes qui grandissent, les muons ont des révoltés. Hein? Des révoltés faisant quoi? Des révoltés déclarant mécréants des musulmans. Ils vont prononcer at-takfir sur des musulmans. Hein? Donc, et surtout hein, les gouverneurs. Ils vont prononcer at-takfir sur les gouverneurs. Hein? Ils ont des choubouhats, ils ont des choses. Hein? Les déclarant mécréants des musulmans. Hein? Et aussi, donc, les muons ont des révoltés, ont des terroristes et des rebelles. Les arguments témoignant de cela sont nombreux, dit le cheikh. Hein, dans les aveux de ceux ayant fomenté et commis des explosions à Al-Ulayya, à Riyad, hein, à savoir ces gens, hein, Abdelaziz Al-Mu'attam et ses auxiliaires. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre. Donc, l'Arabie Saoudite, elle a été la cible des attentats de ce genre. Au point que ces gens, après, ils ont avoué, ils ont dit, oui, c'est nous qui avons fait cela, etc. Hein, des explosions faisant quoi? Donc, ils vont tuer donc, des agents de la police saoudienne, ou donc, ils vont bombarder hein, dans des endroits où des civils, où des gens vont mourir. Hein, vont mourir, tel que ce tafjir de Al-Ulayya et Al-Khubar, hein, et d'autres, comme vous avez pu voir cette année, hein, même quelqu'un, il voulait rentrer dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wasalam, qui est la mosquée qui est à Médine, il voulait commettre une explosion là-bas, hein, donc, et donc les agents de police, ils ont pu capturer cet homme au dernier instant, au dernier moment, lorsqu'il était à la porte hein, de la mosquée. Donc, rahimallah, c'est braves hommes hein, qui ont fait face à cela. Donc, si on se représente cela, donc vous allez voir que ça, ce sont des gens qui ont donc donné leur vie, sacrifié leur vie pour protéger la mosquée hein, du messager, alayhi salatu wasalam. Donc là, vous voyez à quel point ce fikr, hein, cette pensée, elle aboutit. Hein. Jusqu'à des explosions, jusqu'au meurtre de ses propres parents, jusqu'à donc, commettre des explosions dans les mosquées, jusqu'à la mosquée du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc c'est, comme dit le cheikh, un lavage des cerveaux. Hein, un lavage des cerveaux, et qui fait que par la suite, ils vont prononcer at-takfir, ils vont considérer que des musulmans sont des koufars, hein, ils vont prononcer at-takfir. Donc il y a un takfir qui est juste, c'est-à-dire de prononcer Al-Kufr sur quelqu'un qui est vraiment mécréant, qui a mérité cela. Et cela est fait par les gens de science, non pas par n'importe qui. Hein? Parce que ça, c'est un jugement qui est très grave et très lourd de conséquences. C'est les gens de science hein, qui le prononcent d'abord. Hein? Et puis, donc, il y a Al-Takfir qui est injuste et qui est fait par ces jeunes et par ces gens qui s'affilient à ce mouvement de pensée, hein, notamment, et qui vont prononcer la mécréance sur des musulmans, hein, que ce soit des hukams ou des savants, ou bien que ce soit aussi des gens qui ne s'affilient pas à leur parti, des frères musulmans, des gens qui vont les critiquer, ils vont donc aller par patient les prononcer comme étant des mécréants. Hein. Donc là, le cheikh, il a cité cet exemple, hein, ce tafjir, cette explosion qui a eu lieu à Al-Ulayya, à Riyad, hein, et qui était faite par celui qui s'appelle Abdelaziz Al-Mu'attam et ses auxiliaires, ou Moussaïdi, ses auxiliaires, d'autres personnes qui ont participé à cela, et ils ont commis cela à Riyad. C'est ce qui m'avait poussé, dit le cheikh, c'est ce qui m'avait poussé à composer cet épître, le concernant Al-Banna. Hein? Lui et son parti. Hein? Avant même que cet épisode des explosions n'arrive. Lui, il a écrit son livre avant. Hein? Avant même cela. Donc, on a lu dans l'introduction quand est-ce qu'il a écrit précisément ce livre. Hein? Peut-être qu'on va y revenir par la suite. Très bien. Septièmement, dit le cheikh, ta parole, comme quoi, lorsque tu étais parvenu au chapitre 9, ton regard serait tombé sur ce que tu n'aurais pas attendu de moi, à savoir que je détracte la personne de Hassan al-Banna, hein, que j'aurais déversé tout mon courroux sur lui et interprété sa parole dans un sens qu'elle ne signifiait pas. Voici la réponse à cela. Hein, parce que lui, il lui a dit, je ne m'attendais pas à cela, hein, que tu critiques cette personne et que tu déverses tout ton courroux, ta colère sur lui. Lui, il dit, voici ma réponse. A, petit A, hein, si tu avais lu tout mon livre, c'est-à-dire le Mawrid, l'Azb al-Zulal, si tu avais lu tout mon livre de façon impartiale, de façon objective, tu aurais su que j'avais démontré ce qu'il y a dans cette voie, c'est-à-dire la voie de Hassan al-Banna, hein, dans cette voie et son auteur comme transgression à la législation islamique. Hein. Ma fiha min tajawuz li sharia, mukhalafa li sharia, ce qu'elle contient, sa voix, la voix de Hassan al-Banna comme transgression par rapport à la sharia. Comment on va voir dans ce que le cheikh va citer, 25 points. Le cheikh, Najmi rahimahullah, il va citer 25 preuves, hein, que moi je considère des preuves irréfutables. Des choses que personne ne peut réfuter. Hein? Des choses claires qu'il a amenées avec des citations et des choses, personne ne peut dire que cela, donc il est acceptable en islam. Non, le musulman doit être objectif. Lorsqu'il voit l'erreur, il va dire ceci ne fait pas partie de notre religion. Hein? Donc là, le cheikh, il lui a dit, si tu avais lu mon livre, hein, de façon impartiale, tu aurais su que j'avais démontré ce qu'il y a dans cette voie et son auteur comme transgression à la législation islamique et à la croyance des pieux prédécesseurs. Car c'est lui qui disait, de l'aveu de son frère, hein, du frère de Hassan al-Banna, qui est Abdurrahman al-Banna, hein, donc il a écrit dans un livre, Abdurrahman al-Banna, que son frère disait ceci. Hein, et pour eux, il n'y a aucun problème dans ce qui va venir. Il n'y a aucun problème et que, au contraire, il était en train de chanter ceci, ça fait partie de l'islam, etc. Hein? Qu'il était en train de dire ceci, de l'aveu de son frère, hein? Qui se vante, Yafsakhir, qui se vante, il est fier que son frère disait cela, hein? Qui se vante de cela, hein? Qui se trouve publié dans le livre des gens de son parti. Hein? Ils ont publié ce livre, hein? Donc, Hassan al-Banna bi qalami bi aqlami talamidati, il y a des livres où il y a l'éloge de ce parti. Ils ont composé cela des gens très proches de Hassan al-Banna, ils ont composé un certain nombre de livres, hein. Donc ils étaient en train de faire l'éloge de cela, voilà ce que nous on disait, etc., ce que disait al-Banna. Et parmi les citations, ils ont dit que al-Banna dit ces vers, hein. Donc d'abord je vais dire ces vers en arabe, hein, de ma mémoire. Peut-être qu'il y aurait une petite imprécision parce que, donc juste de ma mémoire pour ne pas revenir à chaque moment au livre. Sinon, si je tombe rapidement sur les vers, ça serait meilleur, hein, pour qu'on reste fidèle aux propos de ce que apporte le cheikh. Oui, voici les vers. Donc Allah a qul, hein, wa zaril wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fa jami'u ma fil kawn in haqaqtahu adamun ala at tafsil wal ijmal. D'accord, donc cela se trouve dans les livres de ces gens, hein. Dans quel livre? Dans un livre qui s'intitule Hassan al-Banna bi aqlami talamidatihi wa mu'asirihi, hein, écrit par Abd al-Rahman al-Banna, qui est le frère de Hassan al-Banna. Hein. Et donc on va traduire ces vers et voir qu'est-ce que ces vers contiennent. Donc Allah a قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. Dit, c'est uniquement Allah. Et délaisse l'existence et ce qu'elle contient. D'accord? Si tu comptes atteindre quelque perfection, car tout ce qu'il y a dans l'univers, si tu l'examines, est néant en détail et en général. Hein? Donc, le Cheikh Najmi, rahimahullah, il commente, il dit, hein, si tu trouves que j'avais interprété sa parole selon ce qu'elle ne supporte pas, explique-moi donc cette parole, c'est-à-dire ces vers de l'Banna, hein, d'après ce qu'elle signifie dans la législation et dans la raison. Hein, ce qu'elle signifie dans l'aql ou dans l'aql. Dans la législation, dans la charia islamique et dans l'aql al-bashari al-sahih. D'accord? Sinon par l'unité d'existence. Hadihi wahdat al-wujud. Ils disent que, donc il y a une seule existence. Que ce que nous voyons, c'est Allah. Hein, c'est Allah. D'accord? Ils disent cela. Et ils disent aussi que ce qui existe est néant. Ce qui existe réellement, c'est Allah. Ces choses, c'est comme si elles n'existaient pas. Ce qui existe, c'est ça, c'est Allah. Hein? Ça, c'est wahdat al-wujud. Ça, c'est roulette wahdat al-wujud même. Hein? Ça, c'est wahdat al-wujud. Et donc, Cheikh Najmi, c'est un savant érudit. Nous avons dit qu'il était le mufti de l'Arabie Saoudite au niveau donc, de la région du Sud. Donc, c'est un érudit savant. Et donc, lui, il détaille cela dans le Mawrid. Hein? Donc là, le premier point qu'il nous avance ici, après, il va donc reprendre cela et nous citer 25 points. Mais le premier point ici, rapidement, lorsqu'il était en train de discuter les propos de Ben Jabrin, c'est ce point où il y a Wahdat al-Wujud chez Hassan al-Banna. Wahdat al-Wujud, c'est qui est une croyance, hein, de la mécréance, hein, qui est Aqida Kufriya. D'accord? Ça, c'est un propos qui est insupportable dans la charia islamique. C'est quelque chose qui va faire que donc, la personne, donc, hein, après l'établissement de la preuve, hein, donc, la personne, elle est déplacée de l'islam, tout simplement. Hein, elle se déplace de l'islam. Donc, mais faites attention, mes frères, que nous devons détailler Manhaj al-Salaf et bien l'assimiler et le comprendre. Hein, parce que, donc, il ne s'agit pas de confondre entre le fait que quelqu'un ait prononcé une chose ou que quelqu'un a fait une chose et le fait de porter le jugement sur la personne précise. Hein. Nous, on juge d'abord la chose en elle-même. On va prononcer, par exemple, que la chose en elle-même, c'est une faute. Et quel genre de faute? C'est soit une mécréance, soit une innovation, soit une ma'asiyah, soit un péché. Hein. Ça, c'est d'une part. Mais la personne, il se peut que la personne ait une excuse. Une excuse dans de l'ignorance, ou bien une excuse dans l'interprétation, ou bien donc une excuse, hein, d'autre genre, dans at-ta'wil, donc l'interprétation, comme je viens de dire. Hein, donc, il y a des azar, il y a des excuses. Hein, donc, la personne, c'est autre chose. Et la personne, c'est après l'établissement de la preuve. Hein, après l'établissement de la preuve. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que cette voie, elle est corrompue. Hein? La personne, donc cela la concerne, c'est entre elle et son Seigneur. Hein? Allah, c'est Allah qui va juger de la personne. Donc là, ça c'était le premier point. Donc là, le propos de Wahdat al-Wujud. Hein? Et le problème, c'est que ces gens, ils ont introduit cela et se trouvent encore publiés dans leurs livres et sont en train de dire que ça c'est parmi les choses qui montrent que la personne comprenait la religion, était en train d'appeler à la religion, hein, alors qu'il était en train d'appeler à Wahdat al-Wujud qui se trouve chez les roulettes du soufisme. Wahdat al-Wujud qui se trouve chez Ibn Arabi par exemple, qui était déclaré chez les musulmans comme étant un zindir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut corrompre la religion. Hein, c'est un hérétique qui non seulement était un innovateur qui adorait Allah par les innovations, mais c'était quelqu'un qui voulait détruire toute la religion en y introduisant des choses qui vont corrompre la religion. Hein? Mais cette religion, elle est, bien sûr, comme vous le savez, elle est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il reste hein, une ta'ifa, une secte, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est informé, il reste des gens de la sunna à défendre cette religion et à la montrer toujours pure aux gens, hein, pour qu'elle ne se corrompe pas comme ont été corrompues les autres religions précédentes. Le deuxième point, petit b, et c'est bien lui hein, qui chantait aussi, et voici donc d'autres vers, hein, ils sont fiers de dire que c'est lui qui était en train de dire ces choses. C'est toujours donc d'après la même référence qui est Hassan al-Banna bi aqlami talamidati wa mu'asiri, et le cheikh il cite les pages 70 et 71 hein. Que disait al-Banna sallal ilahu ala an-nur alladhi dhahara lil'alamin fa faqa ash-shamsa wal-qamara هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. Hein? Donc il était en train donc de chanter cela. Très bien, on va d'abord procéder à une petite tentative de traduction de ces vers. Que la prière d'Allah soit sur la lumière qui émana. Il est en train de faire l'éloge du prophète alayhi salam. Hein? Au monde, qui émana au monde, et elle dépassa le soleil et la lune. D'accord ? Voici le bien-aimé qui assiste avec les aimés. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. Donc là, il y a déjà la notion de Al-Hadra chez les soufis. Et Hassan Benna était un soufi. Il était un soufi. Dans sa voix, il y a un rajol soufi. يعني مبتدع. C'est une voix qui s'écarte de la voix des pieds prédécesseurs. Parmi les choses qu'ils disent, ces gens, ils disent que le prophète, il assiste avec eux. Nous, par exemple, nous, on a une assise aujourd'hui, on ne peut jamais prétendre une chose pareille. Eux, ils disent que lorsqu'ils assistent, le prophète, il assiste avec eux. Hein? Il assiste avec eux. Le prophète, hein, en chair et en os, hein, il assiste avec eux. Il vient et il assiste avec eux. C'est ce que disent les Tijani et c'est ce que disent beaucoup de sectes du soufisme. Ils disent que le prophète, il assiste avec nous. Or, il y a combien de prophètes hein? Le prophète, il est dans sa tombe. Hein? Il y a combien de prophètes? Il assiste avec vous, votre secte, il assiste avec vous, avec l'autre secte, il assiste avec l'autre secte dans l'autre ville, et ainsi de suite. Hein? Ils disent que cela se produit généralement le jeudi soir, hein? La veille de vendredi. Mais ils assistent au Maroc, en Algérie, au Mali, ils assistent au Sénégal, ils assistent... combien il y a de prophètes hein? Combien il y a de Mohammed, alayhi salam? Il y a un seul prophète, il est dans sa tombe, lorsqu'il était mort, il a été enterré, il est dans sa tombe. Le prophète ne sort pas de sa tombe, hein, jusqu'au jour de résurrection. Yomatan shakul al-kuburu an ashabiha. Le jour où donc les corps vont sortir parce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressusciter les morts. Hein? Le prophète alayhi salam, hein, il est dans sa tombe. Hein? Alayhi salam. Donc là, ces gens déjà, il était en train de dire cette bid'a. Mais ce qui est plus grave dans la suite du vers, hein, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que je viens de dire. Voici le bien-aimé qui assiste avec les aimés. Hein? C'est la notion de Al-Hadra chez les soufis. Mais plus grave que cela, hein? Et il pardonne à tous hein, ce qui s'est passé et qui eut lieu. Hein? Là, dans cette suite, c'est que c'est le prophète qui pardonne. Ar-Rasul huwa alladhi yaghfir wa yusamih. Hein? Donc là, c'est un propos qu'il ne s'agit pas de dire. Hein? C'est parce que vous allez lier les gens au prophète, ils vont lui demander pardon. Et maintenant, d'autres ikhwanis, ils sont en train de dire des choses pareilles. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Danemark, hein, les caricatures du Danemark et les caricatures de Charlie Hebdo et d'autres caricatures peut-être, hein. Donc, les Ikhwanis, ils ont dit comme quoi ils sont en train de défendre le prophète. Regardez comment ils défendent le prophète. Ils défendent le prophète en disant que Samihna ya Rasulallah. Ils sont en train de lui demander pardon. Hein? Et ils ont mis, les Ikhwanis, ils ont mis Udran ya Rasulallah. Il y avait une pancarte qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Et dans les manifestations où il portait « Samihna ya Rasulallah ». Il ne s'agit pas de demander le pardon au messager, alayhi salam. On demande toujours le pardon au Seigneur, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas au messager, alayhi salatu wa salam. Le prophète, alayhi salam, on le suit. On suit sa sunna, on suit sa guidée. Mais on ne lui demande pas de nous pardonner. Parce que si vous allez lier les gens à demander pardon au messager, ils vont tomber dans le shirk, tout simplement. Ils vont demander pardon au messager. Ils vont demander pardon au messager. Comme cet homme, jadis, regardez à quelle époque était Hassan al-Banna, il était déjà en train de dire « Wa samaha al-kull fi ma qad mada wa jara ». Et il a pardonné tout le monde, à tout le monde, et il pardonne à tous ce qui s'est passé et eu lieu. Donc là, c'est un vers qui décline et qui expose un shirk al-akbar. Ça c'est « Al-Shirk al-Akbar » comme dit Cheikh Najmi dans ses commentaires, comme on va voir. Ça c'est « Al-Shirk al-Akbar ». Parce que demander le pardon au messager, aller demander au messager de pardonner, ça c'est « Al-Shirk al-Akbar ». Pourquoi ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala ? Cheikh Fouzan, lorsqu'il a entendu une parole pareille, cette parole qui est récente, « Samihna ya Rasulallah » ou « Udran ya Rasulallah », il a dit « ça c'est « Shirk ». Parce que les savants, ils sont sur leur garde concernant ces choses. Si vous allez ouvrir une porte comme cela, les gens vont tomber dans le shirk. Udran ya Rasulallah, vous êtes en train de demander pardon au messager, alayhi salam. Vous êtes au lieu de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander pardon. Non, vous êtes en train de demander au messager, alayhi salam. Et comme des prêcheurs francophones, ils sont tombés dans cela. Tel que celui que j'ai cité donc certaines fois, qui est Rachid Abu Hudayfa, qui est un prêcheur ikhwani, il a dit cela. Il a dit que chacun doit demander des excuses au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est shirk. Vous êtes en train d'ouvrir aux gens la porte de shirk billah subhanahu wa ta'ala. Donc là, et le problème qui est plus grave, c'est que ces gens, ils commettent cela, et lorsque des gens vont leur montrer leur erreur, ils vont les insulter au lieu de les remercier. Ils vont les insulter et ils vont persister sur leurs propos et ne vont pas les corriger aux gens. Au lieu de dire, oui, je me suis trompé dans tel dars, à tel moment, je corrige, je dis, voilà, voici la parole fausse et voici ce qui est correct et on doit enlever cela de nos cours, de mon cours et ainsi de suite. Et voici ce qu'on doit faire et ce qu'on doit... Voici le bon prêche. Non, ils vont dire, ces gens, ils sont en train de nous chercher des erreurs, etc. etc. Alors que chercher les erreurs, ça fait... Donc, c'est une bonne chose. Encore faut-il que celui qui cherche les erreurs, il ait la bonne intention d'essayer de protéger l'islam contre les erreurs. Et non pas faire cela pour concurrencer les gens. Nous, on dit cela. On le dit. On fait cela. Pourquoi ? Pour donc suivre la voie de As-Salaf Salih qui donc lorsqu'il y a une erreur, il l'a réfutée. Là, le problème, c'est que ces gens, lorsque tu leur montres leur erreur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'insulter. Et ils vont donc dire que toi, tu es un hasid, tu es un rancunier, une personne rancunière. Tu es en train d'émuler avec eux, tu es en train de les concurrencer, etc. Les concurrencer sur quoi? Qu'est-ce que vous avez pour qu'on vous concurrence? Vous avez des bid'a. Pourquoi est-ce qu'on va vous concurrencer sur quoi? Sur le bid'a. Vous avez des bid'a. Donc nous, on appelle les prêcheurs à appeler à la voix du messager et de tous les messagers, qui est la voix du monothéisme et la voix de As-Salaf Salih. Ils n'ont pas appelé à des hizbiyettes, à du sectarisme. Non, on doit appeler à la voix de Salaf Salih. De As-Salaf Salih. Donc là, dans ce vers de Hassan al-Banna, il y a qu'il est en train de lier les gens à demander pardon au messager, auprès du messager, alayhi salatu salam. Et il pardonne à tous. Il pardonne à tous. Qui t'a dit qu'il pardonne à tous? Qui t'a dit Et il pardonne à tous ce qui s'est passé et qui eut lieu. Regardez comment ils vont faire que leurs suiveurs, ils vont dire « Oui, notre cheikh Hassan al-Banna, il nous a promis que le messager, il nous a pardonné. » Il a assisté avec nous, il nous a pardonné. Nous, on rentre au paradis. Hein? Nous, on rentre au paradis. Hein? Et comme disaient les soufis, hein, ils disent qu'ils vont rentrer au paradis sur le dos de leur cheikh. Hein, parce qu'ils vont trouver le dos de leur cheikh le jour du jugement sur Serat. Hein? Eux, ils ne vont pas trouver de problème, ils vont passer sur le dos de leur cheikh, ils vont rentrer directement au paradis. Des propos que seuls, donc malheureusement, les débiles et les personnes qui sont vraiment idiots peuvent croire en ces propos. Même ce sont des propos qui se trouvent chez les soufis, malheureusement. Hein? Et les soufis, ils vont lier les gens à les appeler lors de Shada'id. Lorsqu'il est en crise, il va interpeller son cheikh. Au lieu d'interpeller Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de demander secours à Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'appeler son cheikh qui est très loin de lui. Hein? Ça, ce sont des choses que les prédicateurs, hein, tels que Cheikh Najmi, et tels que Cheikh Fawzan, et tels que Cheikh Rabi, et tels que Cheikh Albani, ils ont toujours insisté sur ceci, que Al-Istirata takunu billah. On demande secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas que le messager vienne nous secourir, ou bien que le cheikh vienne nous secourir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous secourir lors des crises. Très bien, donc là, c'était ces deux vers aussi. Hein, surtout le deuxième vers, il contient donc une monstruosité qui est une bid'a, et puis une monstruosité qui est un shirk akbar. Parce que ça, c'est grave de lier les gens, de dire qu'ils doivent demander pardon auprès du messager, alayhi sallam. Le cheikh Najmi, il a commenté, les propos précédents, il a dit, explique-moi, hein, Ben Jabrin, explique-moi ces vers d'une manière acceptable pour ces termes et qui ne seraient pas l'association majeure. Hein? Est-ce qu'on peut expliquer cela sinon que par l'association majeure? Le prophète, il pardonne. Hein? Est-ce que Allah nous a dit d'aller demander pardon auprès du messager pour nous faire rentrer au paradis? Hein? Où cela se trouve dans le livre ou dans la sunna? Non. Hein? On adore Allah, on demande à Allah pardon. Nastaghfirullah. Hein? Le messager lui-même, il faisait le sirfar auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il nous a enseigné. Alors que cet homme, il était en train de dire que les gens demandent pardon auprès du messager, alayhi salam. Le cheikh lui a dit, explique-moi de cela, sinon que c'est de l'association majeure. À savoir son expression, et il pardonne à tous. Hein? Ce qui s'est passé et eu lieu. Explique-les par une autre chose que la confirmation du mensonge des soufis qui disent qu'ils assistent, alayhi salam, avec eux. Qu'ils assistent à leur cérémonie innovée, qui est la célébration de la naissance du messager. Ils disent qu'il assiste avec eux lors de la célébration de sa naissance, le Maulid, et ils disent aussi qu'il assiste avec eux, donc chaque jeudi soir. Hein, il assiste avec eux au Maroc, et il assiste avec eux au Sénégal, et ainsi de suite, après le Maghreb, donc il assiste avec eux. Il y a combien de messagers? Allahu a'lam, subhanallah. Hein, combien il y a de Muhammad, alayhi salam? Hein, il y a donc autant que de ces sectes soufis. Ça, c'est un grand mensonge à l'égard de notre messager, alayhi sallam. Le messager, les propos qui sont sains et que la raison accepte, c'est que le messager, il était mort. Hein, il est enterré par sahaba, radhiyallahu alayhim, comme avait dit Abu Bakr, radhiyallahu anhu. Hein? Il a dit « Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut » Celui qui adorait Muhammad il est mort, alayhi salatu wassalam, il est mort, il est enterré par sahaba. Et celui qui adore Allah, il est vivant et il ne meurt jamais. Hayatuhu kamila subhanahu wa ta'ala, lam tusbaq bi adam wa la yalhaqha fana ou adam. Donc là, voilà donc la bonne croyance. Donc là, c'est le deuxième point. Troisième point, petit c, le cheikh Najmi, rahmallah, il a dit, explique-moi son éloge de Al-Marghini, connu par l'unité d'existence, bi wahdat al-wujud. C'est un certain Al-Marghini qui est connu par وحدة وجود. Explique-le d'une façon qui satisfait Allah et son messager. Oui, les croyants. Les croyants. Sinon que c'est un agrément de l'unité d'existence et l'éloge de ses adeptes. Les croyants, ceux qui ont al-ghira al-din. Est-ce qu'ils seront satisfaits que toi, tu vas faire l'éloge de al-Marghini? Ou bien, imaginons à notre époque, que quelqu'un va faire l'éloge de al-Khomeini. Ou bien de Hassan Nasrallah ou un ennemi de l'islam. Est-ce que quelqu'un qui a le rire à l'addin, qui aime sa religion, est-ce qu'il va accepter que quelqu'un il va faire l'éloge de Al-Khomeini, donc qui insulte Ummahat al-Mu'minin, Zawjat Nabi alayhi salam, et qui les accuse dans leur sharaf, dans leur honneur, qabbahahullah, est-ce que quelqu'un il va accepter, un croyant, un musulman, est-ce qu'il peut tolérer une chose pareille, tel que cet homme aussi qui était en train de dire donc des choses grave à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est wahdat wujud, que ce que nous voyons c'est Allah, lui il fait son éloge, il fait l'éloge de ce al-Marghini, le cheikh lui a dit explique-moi pourquoi il fait l'éloge de al-Marghini, pourquoi il le reçoit, comme on va voir, pourquoi il le reçoit dans son marquez, dans son hizb, et il le célèbre et il lui fait hommage et donc il l'accueille dans le hizb et ainsi de suite. Pourquoi il fait cela de quelqu'un qui était en train de prêcher quoi? Wahdat al-wujud. Et à notre époque, il y a beaucoup d'exemples de cela. Il y a beaucoup d'exemples de cela dans le monde arabo-musulman et autres. Chez les francophones aussi, on trouve cela chez eux. Tel que celui que je viens de citer, Rachid Abu Hudayfa, il a reçu donc un prêtre le jour de l'Eid des musulmans. Lui, il a reçu un prêtre, etc. Il était en train de tenir des propos politiques. Il était en train de dire que cela s'est déroulé, etc. On a eu donc des échanges fructueux, etc. Le genre de propos qui sont prononcés généralement par les politiciens. Non pas par les croyants qui connaissent l'Ouala ou al-Bara et qui connaissent, c'est-à-dire comment on se comporte vis-à-vis des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui égarent les gens, qui égarent les peuples, comment quelle position adopter à leur égard, quelle position adopter à leur égard. Donc là, cet homme, il a reçu al-Marghini et ainsi de suite. Et dans le monde arabe, quelqu'un qui est donc Salman al-Ouda, il a visité ces derniers temps, ça fait un mois peut-être, il a reçu et il a visité, lui-même il a visité quelqu'un qui s'appelle Ahmed al-Khalili, qui est un Ibadi. Qui est à Amman, Ahmed Khalili, qui est connu pour sa croyance, c'est-à-dire corrompu. Et donc les gens de science tels que Al-Albani et tels que d'autres, ils lui ont répliqué, de grands savants lui ont répliqué, lui il le visite et il a même embrassé sa tête, l'Aouda il embrasse la tête de ce grand Mubtadi' qui est Al-Ibadi Al-Khalili. Voilà, donc ça c'est des exemples. Et ce l'Aouda, pourquoi je le cite? Parce que c'est un Ikhwani. C'est quelqu'un qui est sur la voie de Hassan al-Banna. Très bien, continuons comme ça. Il a dit, c'est-à-dire que, donc pourquoi il fait l'éloge de al-Marghini, explique-le d'une façon qui est satisfait Allah, puis son messager et les croyants, sinon que c'est un agrément de l'unité d'existence. Adarida bi wahdat al-wujud. Quelqu'un, voici ma voix. Quelqu'un, il prêche ça, cela. Toi, tu le reçois et tu l'accueilles et tu lui fais honneur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est un agrément de wahdat al-wujud. Et l'éloge de ses adeptes. Il fait l'éloge donc des gens de wahdat al-wujud. Les adeptes de wahdat al-wujud. Donc, il est en train de faire leur éloge. Le quatrième point. Explique-moi sa parole devant la commission commune. L'Ajna al-Mushtaraka, l'Ajna al-Mushtaraka l'Amérique et britannique. Il y a eu un comité qui s'appelle le comité mixte, ou bien donc la commission commune, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et lui il a tenu ce propos devant eux. Comme quoi, voici la position des frères musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous n'avons pas une inimitié religieuse contre les juifs. Laysa baynana wa bayna al-yahoud adawatun diniya. Laysa baynana wa bayna al-yahoud adawatun diniya. Donc, comme ici dans la version en arabe. Il était en train de dire Laysa baynana wa bayna al-yahoud 'adawatun diniya. Il n'y a pas entre nous et les juifs une inimitié. Ce ne sont pas nos adversaires en religion. Pour nous, ce ne sont pas des adversaires. Si ce ne sont pas des adversaires, ce sont donc des frères, comme le cheikh il va le dire. Hein? Donc ce sont donc des frères. S'ils ne sont pas nos ennemis, ce sont donc des gens, que des croyants. Des croyants. Hein? Il a dit, nous n'avons pas une inimitié religieuse contre les juifs. Parce que, comment dit Qardawi et comment on dit d'autres, hein? Ils ont dit que le conflit entre les Palestiniens ou entre les Arabes ou les musulmans et les juifs, c'est un conflit pour la terre. Ce n'est pas un conflit pour la religion. Allahu Akbar. Nous, on dit Allahu Akbar. Hein? Qui est une parole pour exprimer son étonnement. On est, ou bien on dit Subhanallah. Hein? Subhanallah. Depuis l'apparition de notre prophète, alayhi salam, qui a commencé à prêcher, notre inimitié contre les juifs, c'est une inimitié, hein, dans Ad-Din. Lui, il est venu, il a montré Ad-Din As-Sahih. Et que ces gens étaient en train de tuer les messagers et ainsi de suite. Pourquoi on ne va pas les haïr en religion? On ne doit pas les haïr en religion. Alors qu'il était en train de tuer qui? Des messagers. Hein? Des prophètes. Hein? Et ils ont donc injurié Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu yadullahi maghloula. Khullat aydihim wa lu'inu bima qalu. D'accord? Et ils ont prononcé beaucoup de choses. Et ils ont mécru en notre messager. Comment mécroire en un messager? Parce qu'il y a des gens à notre époque, ils pensent que donc eux, ils sont en train d'adorer Allah et nous, on adore Allah selon notre voie, selon notre religion. Hein? Non, inna dina indallah l'islam. Il y a une seule religion agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est l'islam. Et qui est l'islam. Wa man yabtaghi l'islam dinan falan yuqbala minhu. Quiconque amène une autre religion, hein, que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Ça ne sera pas accepté de lui. Hein? Il sera parmi les perdants le jour du jugement dernier. Il sera parmi les perdants. Il y a une seule religion. Pourquoi ils ont mécru en notre messager, alayhi sallallahu alayhi sallam? Le musulman doit se poser cette question. Surtout ceux qui disent, eux, ils pratiquent leur religion dans les églises. Eux, ils sont en train d'adorer Allah à leur façon et nous, on adore Allah. Hein? Eux, ils sont en train d'adorer selon leur religion et nous, on adore selon notre religion et tout le monde va rentrer au paradis. Ils sont en train de tenir ces propos. Hein? Le musulman qui est sincère et qui aime son messager, ne serait-ce que cela, il doit se poser cette question. Pourquoi eux, ils n'ont pas cru en notre messager? Ne pas croire en notre messager, c'est une mécréance majeure. Hein? Ils ne sont pas sur une religion. Pourquoi toi, musulman, tu crois, hein, en Allah, hein, et ainsi de suite, et tu crois en tous les messagers alors qu'eux ils veulent choisir. Ils veulent dire, nous on croit jusqu'à Moïse. Nous on n'aime pas Jésus, on n'aime pas Mohammed. Et les autres, les chrétiens, ils ont dit, nous on prend jusqu'à Jésus, mais nous on ne croit pas en Mohammed. Alors qu'ils ont reconnu de grandes sommités de science parmi eux, ils ont reconnu que c'est un messager. Mais ils ont eu par la suite donc des choubouhats à dire à leurs suiveurs. Ils ont dit, oui, c'est un messager, mais c'est pour les Arabes. Or, Mohammed a été envoyé pour Al-Thaqalain, pour les djinns et pour les hommes. Il a été envoyé pour l'humanité. Pour l'humanité. D'accord? Donc là, le cheikh, rahimahullah ta'ala, wa jazahullah ana khayran, qu'Allah lui fasse, hein, miséricorde et qu'Allah le récompense par le bien, il est en train de nous éclaircir cette voie. Parce que cette voie de l'Ikhwan Muslimin, on doit la connaître. Hein? Ne serait-ce que dans ce détail que le cheikh nous résume ici. Pour savoir que nous, on doit nous écarter et on doit mettre en garde contre cette voie. On doit donc conseiller les musulmans pour s'éloigner de cette voie. Hein? Qui est une voie du soufisme et une voie de l'Ash'ariya, parce que les Ikhwani ils sont sur la Aqidah Ash'ariya. Et c'est une voie d'égarement et du sectarisme. Hein? Et c'est une voie qui rassemble beaucoup d'autres erreurs et beaucoup d'autres égarements. Hein? Comme on va voir. Donc là, le cheikh, il a dit que cet homme, il était en train de dire ce grand mensonge, hein, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Kan yakdib ala Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit devant ces kuffars, hein, devant ce comité mixte, هاد اللجنة المشتركة أمريكو-بريطانيك اللي تي اون تران دو لوغ دير ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. Lorsque tu vas dire cela, eux, ils sont satisfaits. Ils vont dire ça, celui-là, il n'a pas de haine à l'égard des Juifs. Celui-là, on va mettre la main dans sa main pour l'encourager, pour prendre le pouvoir dans son pays. Oui. Voilà pourquoi il était en train de faire cela. Il donne ses concessions, l'Ikhwan Muslimin, il donne ses concessions pour s'accaparer du pouvoir. Hein? Pour s'accaparer du pouvoir dans les pays musulmans. Or, ce propos, c'est un propos de Al-Kufr. Parce que vous êtes en train de trahir hein, donc l'islam. C'est un propos de Al-Kufr. C'est un mensonge à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que ce sont nos ennemis. Hein? Et l'autre verset, ils sont des ennemis donc, pour notre message et pour notre religion. Et lui, il était en train de dire, non, nous n'avons pas d'inimitié à leur égard. On n'a pas de haine à leur égard. Voilà comment ils vont vider les cœurs de leurs adeptes et de leurs suiveurs de la haine à l'égard des Juifs. Ils vont faire que leur suiveur, il ne va pas haïr les Juifs. Il va dire, mais pourquoi je vais le haïr? Lui, il a sa religion et moi, j'ai ma religion. Pourquoi je vais le haïr? Ma religion, à moi, c'est l'amour. Non, ça, c'est pas un amour. Si tu n'aimes pas les croyants, hein, et tu ne détestes pas les mécréants, c'est pas un amour, cela. Ça, c'est le laxisme. Si tu vas aimer A'da Allah, hein, comme cela, dans ce contexte qu'on est en train de dire, ça, c'est pas donc le suivi de votre religion. Vous n'êtes pas en train de suivre votre religion comme il se doit. Donc là, il a prononcé ses propos devant cette commission mixte. Regardez les concessions qu'il donne à l'égard des kuffars. Et par la suite, il vient accuser les savants et accuser les gouverneurs et ainsi de suite. Regardez ce que lui, il était en train de dire devant ses kuffars. Hein? Le messager, alayhi salatu wasalam, nous, on doit être derrière lui. Est-ce que le messager peut donc tenir ce genre de propos devant les kuffars? Hein? Non. Le Rasoul, alayhi salatu wasalam, hein, il a montré que ces gens sont nos ennemis. Hein? Sont nos ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans son noble livre que ce sont nos ennemis. Donc là, le cheikh, après cela, il a dit, explique-moi. Hein? Hein? Explique-moi d'une façon satisfaisante pour Allah, son messager, et puis pour les croyants. Explique-moi ses propos. Hein? D'une façon qui satisfait à Allah. Regardez le cheikh, comment il est précis. À Allah, à son messager, et puis aux croyants. Hein? Est-ce là autre chose qu'il était en train de complimenter les juifs et les chrétiens? Alaysa yujamilu an-nasara wal-yahoud? Hein? Alayhim la'ainullah? Que la malédiction d'Allah soit sur eux, hein? Hein? Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de complimenter et en train de vouloir donc complaire à ces a'da Allah, hein? Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de complimenter les juifs et les chrétiens tout en montant à l'égard d'Allah, dit le cheikh, à l'égard de son messager et de la religion de l'islam? Est-ce que ça, c'est pas une trahison de l'islam? Moi, c'est mon commentaire à moi de considérer cela comme une trahison de l'islam. Le cheikh l'a dit, est-ce qu'il n'était pas en train de mentir à l'égard d'Allah, hein, à l'égard de son messager et à l'égard de la religion de l'islam, hein? Il était en train de mentir. Nous, on dit qu'il était en train de mentir devant cette commission mixte. Le cheikh, il va passer à un autre point. Hein? Petit E maintenant. Explique-moi sa conférence dans le mausolée de Dame Zainab, Sayyida Zainab, hein? Sa conférence dans le mausolée de Dame Zainab, hein? Fi mashhad Sayyida Zainab, il a donné une conférence, hein? Dans ce lieu de shirk en Égypte. Explique-moi pourquoi il fait cette conférence à l'occasion du nouvel an de l'Égypte, hein? D'accord? Sans qu'il évoque le polythéisme ou qu'il le blâme. Il a tenu une conférence où il ne va pas parler du polythéisme de Ash-Shirk, de l'association, hein, l'associationnisme. Il ne va pas parler de cela. Hein? Alors qu'il était en train de regarder ceux qui tournent autour de la tombe. يطوفون بقبر الذي يسمونه قبر السيدة زينب. D'accord, ils sont en train de tourner autour de la tombe et qui demandent tawaf, hein, tawaf, tawaf, ibada. C'est une adoration, shirk akbar. تطوف بغير الكعبة الذي جعل الله عز وجل عبادة للمسلمين أن المسلم يعبد الله بهذا الطواف حول الكعبة لا يعبد الكعبة يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الطواف ها le fait de tourner autour donc d'autres choses que la Kaaba ha tourner autour de la Kaaba est une adoration pour Allah سبحانه وتعالى Tourner autour de la tombe, c'est une adoration pour cette personne. Ils sont en train de faire cette adoration pour qu'elle satisfasse leurs besoins. Les tulabi lahum al-hajat. Parce qu'ils ont des demandes à faire auprès de Zainab. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourner autour. Ils vont lui présenter une adoration. Hein? Donc, hada tawaf, hada ibada. Lui, il est en train de voir que des gens sont en train de commettre shirk. Oui, il ne parle pas de shirk. Dans la conférence. Oui, dans sa conférence. Dans Meshed, il a fait cela dans le mausolée. Il est rentré chez eux dans le mausolée. Il est en train de voir cette ambiance. Et lui, il a sa chaise. Et il y a donc les gens. Et lui est en train de donner sa conférence. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit le sheikh, rahimahullah? Hein? Il a donné cette conférence à l'occasion du nouvel an de l'Égypte, sans qu'il évoque le polythéisme ou qu'il le blâme. Alors qu'il était en train de regarder ceux qui tournent autour de la tombe et qui demandent à l'enterrer, al-maqbura, hein, à l'enterrer ce qu'il y a dans la tombe, il était en train de lui donner, de lui demander, hein, de lui demander ce qu'on ne demande qu'à Allah. Annam yatlabuna minha ma la yatlabu illa min Allah. Hein, c'est-à-dire de lui donner, de leur demander, de leur donner, de leur accorder quoi, par exemple des enfants ou de leur de faire retourner celui qui a été perdu, hein, ou bien donc de leur donner, c'est-à-dire la pourvoyance, rizq, et l'argent et le bonheur et ainsi de suite. Hein, ils étaient en train de demander cela. Lui, il fait sa conférence sur quoi? Comme font les ikhwan toujours, hein, une conférence sur khuluq at-tawadu, hein, sur la modestie, hein. Là, c'est un bon sujet, mais c'est pas là. Donc, c'est-à-dire à cette place. À cette place, tu dois faire une carte de Ashirk. Hein? D'accord? Ou bien, donc, les autres sujets similaires. Ils vont parler du comportement, que le musulman ne doit pas haïr ses frères, et ainsi de suite. Hein? Donc, c'est ce genre de sujet. Hein? Ce genre de sujet, il est bien, mais c'est pas donc pertinent à ce moment. Lorsque tu vois Ashirk, tu dois. Au maximum, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, au maximum, tu dois essayer de conseiller aux gens, essayer donc de leur dire que ça c'est du. Donc, quel est le, donc de les amener à s'interroger et leur dire quel est le jugement de cela en notre religion. Hein? Nous, on ne doit pas faire le tawaf bi al-qubur. Hein? D'accord? Subhanallah. Le cheikh, il a dit explique-le-moi d'une manière qui satisfait Allah, son messager, puis les croyants. Si ce n'est un consentement de sa part à la mécréance majeure, hein? Hada ridha bi shirk al-akbar. Tu vois, tu donc hada dalil ala al-insan yani ma fihi yani ghayra ala din Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dit le cheikh, moi je suis en train de suivre les propos du cheikh, hein, et ne pas rajouter de moi-même des jugements ou des choses. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Hada ridha. Ceci est un consentement de sa part, hein, à la mécréance majeure. Tu es en train de voir la mécréance majeure à tawaf bil qabr. Et tu es en train de parler d'un autre sujet. Subhanallah. Hein? Il a dit, sinon que c'est un consentement, et qu'il autorise et l'accepte dans sa méthodologie. Parce que pour eux, ce n'est pas grave ce genre de choses. Ce n'est pas grave ce genre de choses. Quelle est la chose qui est grave à leur regard? C'est les gouverneurs. Les gouverneurs, hein, tout ce que font les gouverneurs, c'est grave. Pour eux, hein, pour les ikhwan. Et les autres choses qui arrivent donc dans la société, c'est pas grave. Ça, c'est les gens ils sont en train de faire ces choses, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. D'accord? Donc là, qu'il accepte cela dans sa méthodologie. Parce que pourquoi? Parce que lui, il ne fait pas l'inkar. Parce que s'il fait l'inkar, s'il va blâmer les gens ne vont pas rentrer dans son parti. Voilà comment il raisonne. C'est un raisonnement, comment on appelle cela? Donc c'est un raisonnement politique. Donc, il essaye donc d'avoir beaucoup de Accommoder suiveurs. beaucoup. Beaucoup de suiveurs. Il va dire, si moi je vais dire à quelqu'un que je vais le blâmer sur cela, il ne va pas faire partie de. Donc, rentrer dans ma secte et dans mon parti. Subhanallah, comment il raisonne. Il n'appelle pas à Allah, il appelle à eux-mêmes. Il appelle à leur parti. C'est pourquoi il ne fait pas donc un nasiha lil muslimin. Ou bien il ignore, ou bien lui il est complètement ignorant, il ne connaît pas Shirk al-Akbar. Et s'il ne connaît pas Shirk al-Akbar et que ces choses sont tolérées chez lui, donc c'est pas un prêcheur à Allah. Il n'était pas un prêcheur à Allah s'il est en train de ignorer cette chose. Si on l'excuse pour cela, c'est meilleur pour lui. Hein? C'est-à-dire, on va dire que c'était un ignorant, un grand ignare, un ignorant. Il ne devait pas prêcher à Allah puisqu'il ne connaissait pas Shirk al-Akbar. Le Shirk al-Akbar, il est en train d'être commis devant ses yeux. Et lui, lui, ces choses sont des choses qui ne le gênent pas. Subhanallah. Le musulman doit connaître qu'est-ce que Shirk al-Akbar pour prêcher à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour propager le tawhid. Mais si lui, il va accepter Shirk al-Akbar, etc., à quoi est-ce qu'il est en train de prêcher? L'akhlaq, même les kuffars, ils appellent à l'akhlaq. Est-ce que les kuffars, ils n'appellent pas au bon comportement? Si, ils appellent au bon comportement. Mais qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux kuffars? C'est que nous, on est des gens de monothéisme. Nous, on appelle à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui distingue le musulman. Mais appeler au comportement, au bon comportement, toute sa vie, ça ne se distingue pas de al-kafir. Parce que le kafir aussi, si tu vas lui parler du bon comportement, il ne sera pas gêné. Il va te dire, oui, ce sont de belles paroles, ce sont de bonnes choses. Oui, on essaie d'appliquer cela. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%. Mais si tu vas lui parler de l'unicité, et tu vas donc le déstabiliser dans sa mécréance, lui dire, toi tu es laïque, hein? Toi tu es polythéiste chrétien, toi tu es polythéiste juif, hein? Toi tu es polythéiste parce que tu es en train de suivre telle idéologie de mécréance, hein? Toi tu es laïque parce que toi tu es mécréant pour telle chose, ça c'est de la mécréance. Donc il ne sera pas d'accord avec toi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala va élargir sa poitrine pour accepter Al-Haq. Hein? Sinon, si tu vas lui parler du comportement, il va être d'accord. Est-ce qu'il y a un homme sur terre, hein? C'est-à-dire, si tu vas lui dire les gens doivent être modestes, c'est ça, il va te dire non, les gens doivent être orgueilleux, les gens doivent être meurtriers. Les gens doivent tuer. Non, on doit chercher donc à suivre la bonne voie, à donc être sage, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se dire non, plutôt on doit être plutôt sanguinaire, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire cela? Non. Donc là, c'est des choses. Donc généralement, les gens ils acceptent cela. Seulement dans l'application, oui, il y a des gens qui appliquent beaucoup de choses. Il y a des gens qui appliquent moins. Hein, qui applique moi. Mais là où il y a le litige, hein, où il y a donc la séparation ou la bifurcation, où on se sépare des polythéistes, c'est lorsque tu leur montres le monothéisme. Lui, il était en train de voir le polythéisme, pour lui, ce n'est pas un problème. Hein, comme le dit le cheikh ici, dans ce point. Le petit F, maintenant, un autre point qu'il est en train de lui relever, il a dit, explique-moi sa marche. Hein, vers les tombeaux de Ad-Dassouqi et Sinjar, hein, en parcourant 20 km d'aller et 20 km de retour à pied. Explique-le d'une manière qu'Allah et son messager, puis les croyants, agréent. Sinon que c'est là une visite d'association ou d'innovation. Hein, que faisait le Benna? Le jour du vendredi, il allait à pied jusqu'aux tombeaux. Les tombeaux, les tombes de qui? De Ad-Dassouqi et de Sinjar. Ah, ça c'est, comme le dit le cheikh, c'est ou bien c'est de la mécréance, hein, des ziyara shirkiya, hein, c'est une ziyara, une visite shirkiya, une visite d'association, ou bien une visite d'innovation. D'accord? Donc une visite d'association, s'il pense que ces gens peuvent quelque chose pour lui, il est en train d'aller vers eux pour leur demander eux-mêmes. au lieu de demander d'Allah, demander ta'allaqa bi ghayri Allah, il est en train de leur demander eux-mêmes. Hein? Donc ça c'est une ziyara shirkiya. Sinon s'il va se rendre dans ces lieux pour demander à Allah, il pense que demander à Allah dans cet endroit il est meilleur, etc. Ça c'est une innovation, parce que Allah n'a pas fait que donc lorsqu'on demande chez Ad-Dassouqi, Allah va nous exaucer. Tassouqi c'est qui? C'était donc c'est quelqu'un qu'il considère en Égypte comme étant un saint. Hein? Ad-Dassouqi et Sinjar, hein? Et Al-Bedawi et le Qabr Sayyida Zainab ou Qabr Hussein, ça sont des mausolées, de grands mausolées en Égypte. Lui, au lieu de combattre ce shirk, hein, qui était en Égypte, non, il a laissé cela et il a combattu les Hukam. Parce que lui, il voulait s'arroger du pouvoir. Au point qu'on va voir qu'il avait même une branche armée. Kanandu Janah Sirri. C'est-à-dire une branche secrète où il y a donc des gens armés prêts à bondir, hein, est prêt à réaliser des attentats, est prêt à réaliser des coups d'État, hein, en Égypte. Il y avait un Janah al-Sirri, ce qui s'appelle al-Janah al-Sirri, la branche secrète. Hein, donc, et que les adeptes, généralement, lorsqu'ils vont s'affilier au parti, ils ne vont pas connaître cette chose. Ils vont sortir et faire des anachides, ils vont sortir dans des... Donc, des voyages, et ainsi de suite, fait mukhayyamat, vont être entre les jeunes, etc. Et on va leur inculquer des anachides. Ils vont petit à petit grandir selon la voie ikhwani. Mais petit à petit, lorsque on va connaître que le jeune, il est enthousiaste, etc., il peut découvrir d'autres choses. Donc là, ici, dans ce point, cet homme, il marchait, imaginez, 20 km à pied, le jour du vendredi, pour se rendre auprès de la tombe. Hein? Le cheikh, il dit, hein, cela, il le fait 20 km d'aller et 20 km de retour. C'est une visite ou bien d'association, ou bien c'est une visite d'innovation. Hein? D'accord? Ou bien c'est une visite d'innovation. Et comme le cheikh, il va détailler par la suite relativement à ce point aussi, parce qu'il va le reprendre. Un autre point, petit G, explique-moi sa tentative de rapprochement entre sunnites et rafidites. التقريب بين السنة والشيعة الرافضة قبحهم الله الرافضة c'est une secte mécréante. Nous, même si on dit la chose parfois avec un ton, un T-O-N élevé, c'est pas parce que nous on a donc un genre d'excès, etc. Mais ça c'est notre religion, hein, qu'on doit défendre. Mais là, faire le rapprochement ou essayer de faire un rapprochement entre des sunnites, des gens de la sunna qui sont sur la bonne voie, et des gens qui sont sur al-rafd, hein, c'est-à-dire qui insultent donc la majorité des compagnons. Or, hein, insulter les compagnons en majorité comme cela, c'est une mécréance. C'est Rawafid, il insulte les compagnons, il insulte Ummuna Aisha, il insulte le Zawjat Nabi alayhi salam, il considère que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'est pas donc complet, hein, il lui a été retranché des choses. Hado kuffar, ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé son livre. Et ces gens, parce qu'ils veulent détruire l'islam, ils viennent lancer des choubouhats à l'égard des gens et dire que le livre il est incomplet, ceci ou cela. Là, ce sont de grands auteurs parmi eux qui ont écrit des choses qui montrent leur madhab de al-rafd. Et les gens de science, Al-Sunnah, Ulama al-Islam, Imam al-Islam, ils ont dit la secte de Al-Rafida, c'est une secte mécréance. Comme j'ai entendu donc une fatwa de Sheikh Najmi lui-même, rahimahullah, il a été interrogé, Al-Rafida kuffar, قال Al-Rafida tu kuffar. Il a dit Al-Rafida tu kuffar. La secte qui est Al-Rafida, c'est une secte qui est mécréante. Et vous pouvez chercher. Hein? C'est une secte mécréante. Pourquoi? Parce qu'elle a ses croyances. Hein, ils insultent la majorité des compagnons. Est-ce qu'un croyant doit aimer ou doit haïr les compagnons? Regardez ces gens. Hein? Donc, ils ne détestent pas les juifs. Hein? Par contre, ils vont essayer le rapprochement avec des gens qui insultent les sahaba. Subhanallah. Hein? Donc nous, on doit aimer les sahaba, aimer les compagnons, ça fait partie de notre religion. Hein? aimer les compagnons, plus tu aimes les compagnons, plus donc tu as donc de al-ajr, de la récompense. Et les gens, ils étaient fait, ouais, on n'aime pas les compagnons, tous du même degré. Hein? Aimer les compagnons, toujours tu invoques pour eux. Tu invoques pour eux dans as-sujoud. Tu invoques pour eux. Tu espères les rencontrer dans le paradis. Tu vis pour les rencontrer. Là, s'il n'y avait dans le paradis que de rencontrer les compagnons, ça c'est grand. C'est une grande récompense que de rencontrer Abu Bakr wa Omar, hein, et de les voir et de donc les rencontrer au paradis. C'est une grande récompense que cela. Hein. Donc nous, on doit aimer les compagnons. Alors que cet homme, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rapprochement avec des gens qui insultent les compagnons. Subhanallah, ça c'est une croyance, hein, que d'essayer donc un rapprochement taqrib بين الشيعة والسنة. Lui, il a même ouvert un bureau en Égypte pour cela, pour le rapprochement entre les musulmans, يعني السنة, et les kuffar, les rafida shi'a. Que ce soit les rafidites ou les imamites, qui sont des branches donc, du chiisme mécréant. D'accord? Donc là, vous regardez à quel point ils étaient en train de trahir l'islam depuis leur fondateur, qui est Hassan al-Banna. Comment ils étaient en train de trahir, et ils sont toujours en train de trahir l'islam et de susciter des troubles en terre d'islam. Donc, cette da'wah, c'est-à-dire cette prédication ou bien cet appel à rapprocher entre les sunnites et les rafidites, il y a aussi un autre appel qui est semblable, qui est le dialogue interreligieux. Faites attention à cela aussi. Lorsque vous entendez des gens parler de dialogue interreligieux, vous devez savoir que ça c'est da'wa batila et da'wa kufriya hadi. Le fait d'appeler à l'unité des religions. Qu'on va prendre une partie de l'islam et ajouter une partie de judaïsme et une partie du christianisme et on assemble et on fait une seule religion et donc comme cela il va régner la paix dans le monde. Non. Et ils doivent se rendre à la religion de vérité. Non, ils doivent se rendre à la religion de vérité. Hein? Et donc la religion qui a été falsifiée, ils doivent donc l'oublier. Hein? Ils doivent se dissocier par rapport à la religion donc qui est falsifiée et rallier la religion de vérité. Et ils ne veulent pas cela, ils veulent dire, nous on va amener une partie et vous allez ramener une partie et vous allez oublier une partie. Et nous, on oublie une partie, et comme cela, on se rapproche. Hein, vous allez effacer que vous nous détestez, etc., etc. Nous, on efface aussi des choses, et on se rapproche. Adi da'wa batila. Et lui, donc, il était en train d'appeler à ce rapprochement entre les sunnites, et les sunnas, hein, ou al-rafida. Hein? Donc, il a dit, le shaykh, rahimahullah, explique-moi sa tentative de rapprochement entre sunnites et rafidis. D'une façon qui satisfait à Allah. Le musulman doit se représenter cela en esprit. Qu'il n'est pas en train donc de présenter une réponse à l'égard d'un tel. Il peut le convaincre, peut-être il va convaincre un jeune. Non, d'une façon qui satisfait à Allah, à son messager, puis aux croyants. Sinon que c'est l'ignorance. Hein? Que c'est l'ignorance de ce que les rafidis ont comme innovation et égarement. Hein? C'est-à-dire que le Benna, il était en train d'ignorer qu'est-ce qu'ils ont comme innovation et égarement. Et s'il ignore cela, il ne doit pas être un prêcheur. Hein? Si quelqu'un il ignore ce que les rafidis ils ont comme croyance. Maintenant, le jeune sunnite, il connaît. Le jeune sunnite, les enfants, les jeunes sunnites, ils connaissent que rafida koufa. Les rafidis sont des branches. C'est une secte qui insulte les compagnons, sont des mécréants. Hein? Lui, il était un prédicateur, il a fondé tout un parti, etc. Et il ignore cela. Hein? Regardez le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Sinon qu'il était en train d'ignorer que les rafidis, ce qu'ils ont comme innovation, bid'a, et comme égarement dans la lettre, hein, au pluriel, ou bien qu'il néglige cela, que cela n'est pas gênant pour lui, ce qu'ils ont... qu'il insulte les compagnons ou qu'il insulte Ummahat al-Mu'minin fi a'radihin, radiyallahu anhum, qu'ils étaient en train de porter atteinte à l'honneur, hein, de Zawjat Nabi alayhi salam, Ummahatuna, Ummahat al-Mu'minin. Cela pour lui, peut-être que c'est pas grave, hein, comme dit le cheikh, hein, ou bien qu'il néglige cela et met la croyance islamique en danger afin de les satisfaire. Peu importe pour lui que de mettre la religion de l'islam en danger, hein, en créant le rapprochement. Man amaraka bihada, qui t'a ordonné de créer ce rapprochement entre Rafidis? Toi, tu dois appeler à la bonne secte. Tu dois rallier la bonne secte et tu dois essayer de porter ton effort, hein, pour cette secte et pour la renforcer. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller faire le rapprochement avec ces gens, etc. Au contraire, tu dois te dissocier et tu dois désavouer Al-Bara min ha'oula innas. Tu dois aimer les croyants et détester les mécréants. Non pas rapprocher. Rapprocher avec les mécréants, comment? Comment on va rapprocher? Non, on veut leur bien, dans le sens où on les invite au bien, on les invite à l'islam. Non pas, donc on veut leur bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va effacer une partie de notre religion et eux, ils vont être satisfaits et on va vivre l'amour avec eux. Là, c'est pas un amour, là, c'est une ruse du diable. Hein? Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il était, le cheikh, après cela? Il a donné un autre point, il a dit, hein, un point que j'intitule ici H, explique-moi qu'il réunit des contradictions quand il décrit sa prédication à lui. Voilà comment il a décrit sa prédication et ce qui montre qu'il est une personne confuse, qu'il ne sait pas à quoi il appelle. Hein? Une personne confuse. Il était en train de réunir entre des contradictions dans son appel. Hein, lorsqu'il décrit sa prédication, hein, la caractérisant de prédication salafi, al-da'wa salafiya, et voix sunnite, et vérité soufi. D'accord? Et vérité soufi, haqiqa soufiya. Les soufis, lorsqu'ils disent le terme haqiqa, il faut faire très attention. Parce qu'ils prétendent que ce que vivent les gens comme islam, etc., les mosquées, zakat, siyam, ça c'est pour les awam, pour la masse. Alors qu'eux, ils sont en train de vivre une haqiqa qui est, c'est-à-dire des sens, c'est-à-dire qui sont graves, hein, qui sont graves et qui sont donc détaillés dans les livres qui critiquent le soufisme. Hein. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il a écrit une épître sur le soufisme, Cheikh Al-Jami, il a écrit, donc Cheikh Najmi, il a écrit une épître sur le soufisme qui montre que ceux-là, lorsqu'ils parlent de la haqiqa, c'est lorsqu'ils sont en train de parler de Wahdat al-Wujud ou de Al-Hulul wal-Ittihad et de dire des choses qui sont des paroles de la mécréance. Donc là, le cheikh ici, hein, il décrit cela, il rappelle cela, que le Benay, il était en train de dire, hein, da'wa salafi, hein, prédication salafi, voix sunnite, mais vérité soufi, haqiqa soufiya. Et le cheikh Najmi dit, est-ce que le soufisme peut être réuni avec la salafia ou avec la sunna? Est-ce que le soufisme peut cohabiter avec la sunna? Ça, c'est impossible. Qu'est-ce que le cheikh a dit? Pour moi, cheikh Najmi rahimallah, pour moi, prétendre les joindre, hein, est comme de réunir l'eau et le feu. Hein? Moi, je peux réunir entre l'eau et le feu. Ajma' bayna an-nar wal-ma' fi ka's matalan. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Lui, il dit, je peux réunir entre la sunna et entre le soufisme. Parce que celui qui connaît qu'est-ce que le soufisme vraiment, il va dire, ça ne peut pas donc cohabiter avec la sunna, avec la voix du messager de la sunna. Non. Les soufis, ils ont des égarements grandioses. Hein, ils ont des égarements grandioses. Qui font que donc il y a des égarements qui déplacent même de la religion. On ne peut pas donc réunir entre la sunna et le soufisme. Le soufisme, c'est une bid'a. Celui qui connaît la sunna vraiment doit savoir que la sunna ne cohabite pas avec la bid'a. Tu dois suivre la sunna et t'écarter des bid'a et suivre donc la voie des gens de la sunna et non pas les gens d'innovation tels que le soufisme ou le chiisme ou bien donc la secte de l'Khawarij, ou la secte des Murji'is, ou des Jahmites, ou de Al-Kalam, des Mu'tazilites, des Ash'arites, hein, des Jahmites, hein, et ainsi de suite pour les sectes. Non, tu dois suivre la voie du messager et ses compagnons. As-Salaf al-Salih, hein, tu dois suivre le messager et ses compagnons. As-Salaf al-Salih, tu dois te démarquer, et te dissocier des autres voies. Tu oublies les autres voies, et plus tu te désavoues de ces voies, et tu suis le messager et ses compagnons. Tu les aimes et tu te crampons lorsque tu sais que cette chose, elle relève de la religion du messager et de la sunna du messager et des califes bien guidés. Tu vas te cramponner à cela. Hein? Et tu oublies ce que donc ont théorisé les chouyours de At-Turuq et ainsi de suite. Hein? Que ce soit Tijani, ou que ce soit Subanna, ou que ce soit Al-Husafi, ou que ce soit d'autres. Hein? Tu t'écartes de cela et tu suis la voix de ton messager, alayhi salatu wassalam. Très bien. Donc après cela, après le point H, explique-moi les 10 piliers de son allégeance. Parce qu'il a mis « Ashrat arkan li bay'atihi huwa ». Il demande que les gens lui donnent allégeance. Ils vont lui donner allégeance. Ils vont dire « Nous avons donné allégeance à Hassan al-Banna ». Hein? Ils vont dire « On n'a pas donné allégeance à notre gouverneur. On donne allégeance à notre chef de parti qui est Hassan al-Banna ». Explique-moi les 10 piliers de son allégeance. Ça, c'est une innovation. L'allégeance n'a pas 10 piliers. Pourquoi lui, il va venir théoriser des piliers pour l'allégeance? Al-Bay'a, la notion de Al-Bay'a en islam. Nous, on donne allégeance à notre gouverneur musulman. Lorsqu'il y a un gouverneur musulman dans ton pays, tu crois qu'il a un pouvoir sur toi. Tu lui donnes allégeance. Toi, tu es sunnite. Tu sois la voix. Tu suis la voie que t'a indiqué le messager alayhi salatu wassalam. Le messager alayhi salatu wassalam t'a dit « Isma' wa ati' wa in daraba dahraka wa akhada malak ». C'est-à-dire tu dois entendre et obéir à ton gouverneur musulman. Pourquoi? Pour qu'il y ait une unité et une union des musulmans. Ils sont tous derrière un homme. Non pas qu'ils sont divisés en des groupes, en des branches, en des sexes. Non, ils sont tous derrière un homme. Hein? Ils sont derrière un homme lorsqu'il y a un danger extérieur. Ils sont donc tous avec cet homme lorsqu'il ordonne un bien. Les musulmans sont donc dans l'unité et dans l'union. Et dans l'union. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? 10 piliers. Il a théorisé la bay'a pour lui donner la bay'a à lui, comme on va voir. Hein? Explique-moi les 10 piliers de son allégeance. Explique-le d'une façon qui satisfait Allah, son messager, puis les croyants. Sinon qu'il introduit dans sa prédication une législation nouvelle. Hein? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Am lahum shuraka, shara'u lahum yadini ma lam yadan bihi Allah. » Ont-ils, c'est-à-dire, des shuraka, c'est-à-dire des associés ou des partenaires qui légifèrent pour eux. La religion musulmane, elle est complète. On sait ce qu'il y a dans la religion musulmane. Pourquoi lui, il vient et il théorise. Il dit, le bay'a contient ceci ou cela, cela que je vais ajouter. Un autre, il va venir après lui, il va dire, oui, moi, je vais retrancher cela et je vais ajouter deux autres piliers. Un autre, et ainsi de suite. Comme cela, la religion va s'éclater. Hein, et elle va se perdre. Hein, elle va éclater, elle va se perdre. Donc là, c'est la notion de al-bay'a. Lui, il était en train de théoriser un concept qui se trouve déjà défini en religion, lui, il va venir et apporter des innovations de son propre chef, hein, de sa propre thèse. Le point que j'ai intitulé ici J. Le cheikh, il a dit, explique-moi qu'il exige de lui prêter allégeance. Il a exigé. Il exige. Yafrid ala nas an yubayi'u huwa. C'est-à-dire, il exige donc des gens de lui donner allégeance. D'accord? Donc fassir li akhdahu lil bay'a min aqwam fi a'naqihim bay'a. Explique-moi qu'il exige de lui prêter allégeance de la part de gens ayant une autre allégeance. Des gens, ils ont donné allégeance à leur gouverneur. Lui, il vient et leur dit, puisque vous avez rallié notre parti, vous donnez allégeance au chef du parti. Comme maintenant, il donne allégeance à quoi? À qui? À Murshid al-Ikhwan. Le Murshid. Hein? Parce que l'organigramme des Ikhwan, il ressemble à celui des chiites. Faites très attention à cela. Ils ont un Murshid Am, et ils ont une branche secrète, ils ont une organisation de parti qui ressemble à celle et qui imite, hein, et qui mimétise celle des chiites. L'organigramme, il ressemble à celui des chiites, Murshid al-Am. Comme eux, ils avaient le Murshid al-Am, qui est le Khomeini, et ils ont donc un parti, et ainsi de suite, pour travailler sur scène et travailler pour leur parti, le Hizb. Hein? Jusqu'à ce que le Hizb, il va avoir beaucoup d'adeptes et il va s'imposer sur la scène, c'est-à-dire du Parlement, et ainsi de suite. Donc là, le Cheikh lui dit, explique-moi qu'il exige de lui prêter allégeance de la part de gens ayant une autre allégeance, hein, sinon que c'est une désobéissance à Allah et à son messager, et qu'il introduit en islam des législations nouvelles qu'Allah n'avait pas permises, hein, non plus que son messager. Donc il est en train de demander que les gens lui donnent le bay'a. Imaginez, hein? C'est-à-dire, tu rentres dans ce parti, tu dois donner le bay'a à Hassan al-Banna. Et maintenant, cela continue. Ceux qui vont rallier donc Daesh ou bien les autres, Qaïda, etc. Ils donnent le bay'a au chef. Ils donnent le bay'a soit à Zawahiri, soit à Bin Laden lorsqu'il était vivant, soit maintenant à un autre tel que le Baghdadi en Daesh et ainsi de suite. Ils donnent le bay'a. Ils vont se dissocier de leur propre État et de leur propre gouverneur et donner le bay'a à un autre. Un autre point que le Cheikh a relevé, que j'ai intitulé ici le point K, explique-moi pourquoi il exige d'exécuter sur le champ et sans aucune révision l'obéissance qu'il avait mise comme condition dans son allégeance, alors que l'obéissance est conditionnée par deux choses, hein, dans la charia, dans la législation islamique. La première est qu'elle soit dans le convenable, et la seconde est qu'elle ne dépasse pas la capacité. Parce que la bay'a en islam, elle est donc mesurée par deux choses. Fil ma'rouf ou hasb al-istita'a. Lorsque nous, on donne l'allégeance à notre gouverneur, c'est fil ma'rouf, nous bay'ou fil ma'rouf. On lui donne l'allégeance, comme quoi nous, on va donc exécuter son ordre s'il est dans Al-Ma'ruf, comme enseignait le messager, innama ta'atu fil ma'ruf. C'est-à-dire, nous, on obéit dans le convenable. Deuxième chose, selon la capacité, comme disait le messager, fima sata'tum. Non pas donc que toi, tu vas faire au-delà de ce que tu peux. Lui, il dit le contraire. Il a dit, hein, Cheikh Najmi dit, il exige d'exécuter sur le champ et sans aucune révision. Hein? C'est-à-dire, il exige que l'adepte, lorsqu'il va lui ordonner quelque chose, il doit exécuter, il ne doit pas réfléchir, il doit exécuter. C'est pourquoi ils vont, par exemple, ordonner aux jeunes de faire des choses que les jeunes ne comprennent pas. Mais ils vont lui dire, toi tu ne comprends pas plus que le chef, toi tu dois exécuter tel attentat, telle chose, hein? Tel rapt, parce qu'ils ont procéder à des comment on appelle cela, kidnap, hein, donc kidnapper, donc le rapt, le fait tué un Naqrashi qui était un ministre de l'intérieur en Égypte, ils ont procédé à des choses de ce genre. Celui qui doit exécuter ne doit pas réfléchir pour eux, hein, c'est-à-dire il ne doit pas réfléchir à est-ce que cela relève du convenable ou non. Est-ce que moi je peux cela ou non? Non. Il doit exécuter pour eux, il doit exécuter. Et après, donc, peu importe que tu comprennes ou non. D'accord? Donc le Cheikh, il était en train de lui dire, explique-moi. Hein? On a une seule religion. Venons, voici les textes, explique-moi pourquoi il exige d'exécuter sur le champ, sans plus tarder, sur le champ, et sans aucune révision, l'obéissance qu'il avait mise comme condition dans son allégeance, alors que l'obéissance, elle est conditionnée par deux choses dans la législation, dans la charia islamique, par deux choses. La première est qu'elle soit dans le convenable, et la seconde est qu'elle ne dépasse pas la capacité. N'est-ce pas là, de sa part, une législation qu'Allah et son messager n'avaient pas permise, hein? Là, il était en train de légiférer. Il est en train de dire aux gens, vous devez m'obéir sans réfléchir. Voilà donc comment il était, donc, minal roulette. Hein? Ça c'est du relou. Ça c'est du fanatisme. Il est en train de dire aux gens, vous devez m'obéir, vous devez exécuter sans réfléchir. Et sans tarder, sur le champ, vous devez appliquer, et par la suite, peu importe ce que vous compreniez ou non. C'est-à-dire, il était en train de donner aux jeunes cette éducation. Tu dois exécuter ce qu'on t'enjoint, ce qu'on t'ordonne, puisque tu as rallié telle branche, secrète peut-être, etc. Lorsqu'on va te donner l'ordre, tu vas exécuter. Tu ne vas pas te poser des questions. Est-ce que cela est bien ou non, etc. C'est pourquoi vous voyez ces gens qui vont commettre ces choses. Qui, pour le musulman, elles sont de l'ordre, du péché grandiose que de se suicider pour tuer d'autres gens. Mais eux, ils vont dire aux jeunes, voici, tu ne dois pas réfléchir, etc. Tu dois exécuter. Et après, lorsque tu seras mort, tu vas rencontrer le Hurlin. Tu vas rencontrer les belles houris dans le paradis parce que tu as commis tel attentat et telle chose. Donc là, c'est ce qu'il était en train d'inculquer aux jeunes. Il n'était pas en train d'expliquer aux jeunes la législation et comment la suivre. Il était en train d'inculquer aux jeunes, d'obéir à eux-mêmes. Parce que eux, ils veulent arriver au pouvoir et s'accaparer du pouvoir. Un autre point relevé par le cheikh, c'est l'avant-dernier, il a dit, le point que j'ai intitulé ici, explique-moi qu'il résume l'islam dans ce qu'il avait appelé ses 20 fondements, al-usul al-ishrin. Oui, Benna, il a dit, l'islam, on peut le résumer en 20 fondements, al-usul al-ishrin. Je vais les appeler les 20 fondements, et voici l'islam. Et voici l'islam. Il est en train de faire quoi? De résumer, Khtizel al-Islam. Il était en train de résumer pour lui, voici l'islam. Qui t'a dit que ça c'est l'islam? L'islam c'est le kitab wa sunna. Pourquoi est-ce que tu vas écarter le kitab wa sunna et dire aux gens, voici l'usul al-Ishrin? Et dans les parties maintenant, que ce soit l'Ikhwan al-Muslimin en Égypte ou leur branche qui est au Yémen, en Tunisie, avec Hizb al-Nahda, d'Ul Ghannouchi, ou bien en Algérie, avec par exemple Ali Belhaj en Égypte, ou d'autres, d'accord, Abbasi Madani ou d'autres, ou bien au Maroc avec les Hizb de l'Adou al-Ihsan ou de l'Adela ou de Talmiya, etc. Ce sont des Ikhwan, ou bien comme j'ai cité au Yémen, c'est par exemple Abdelmjid Zindani, ou bien en Syrie, au Koweït, avec Abdelrahman Abdelkhalq au Koweït, ou bien en Syrie, avec d'autres chefs, et au Soudan, avec des chefs aussi. Donc ces gens, ils vont suivre ce genre de théorisation de l'Ikhwan. Parce que l'Ikhwan n'était pas resté un groupe national en Égypte, mais c'était un groupe international. Harakat l'Ikhwan muslimin al-alamiya. Et c'est comme cela, malheureusement, qu'ils ont, au lieu de créer les troubles au sein d'une seule société et que leur mal on peut le contourner, maintenant ils sont en train de se propager. Et maintenant, même en Europe, des frères, ils vont te dire, telle mosquée, elle est tenue par l'Adou al-Ihsan, qui est un groupe du Maroc. L'Adou al-Ihsan, ils sont en Espagne, ils ont une mosquée, ils sont en train d'éduquer les gens selon la voie de l'Adou al-Ihsan. En France aussi, au Canada, aux États-Unis et ainsi de suite, en Italie et ainsi de suite. Donc là, ils sont en train d'éduquer les gens sur le mouvement de l'Ikhwan al-Muslimin. Non, pas sur l'islam, sahih. L'islam, c'est le salaf salih, c'est pas l'Ikhwan al-Muslimin. L'islam, c'est le salaf salih. C'est de suivre les pieux prédécesseurs, parce que Allah, il les a, il a fait leur éloge. Il a fait leur éloge dans le Coran Karim. Tazkiya zakam Allah Azza wa Jal. Il leur a donné la recommandation. Il a dit qu'il faut les suivre. Dans des versets qu'on a cités à plusieurs reprises et qu'on ne se lasse pas de citer. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه. Nous, on doit faire partie de ces gens. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. On doit suivre ces gens. الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. On doit les suivre. Allah nous enjoint de les suivre, non pas de suivre un parti, un hizb. Donc là, le cheikh, il a dit, explique-moi qu'il résume l'islam en ce qu'il avait appelé ses 20 fondements. Al-usul al-ishrin, ça c'est khatir. Hadi, jerima hadi. Le fait de résumer l'islam en 20 fondements. Qui t'a dit que l'islam se résume là? Qui t'a dit que l'islam on le résume là? Au contraire, lorsque les gens des sciences ils sont venus, ils disent al-usul thalatha, al-qawa'id arba, al-usul sita, ça est pour un intérêt pédagogique. C'est pour enseigner petit à petit des fondements de l'islam. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou d'autres, ils ne vont jamais te dire que l'islam, je le résume ici, voici l'islam, et les gens doivent suivre rien que mon livre. Non, il est en train d'expliquer aux gens, yuqarrib lahum al-ma'ani, il est en train de leur rapprocher l'essence, pour que les gens comprennent, voici les trois fondements, voici les quatre règles qui étaient chez les associateurs, voici, c'est-à-dire, six fondements de notre religion, voici quelques shubouas, je vais te montrer quelques shubouas que disent les mouchriquins, et ainsi de suite. C'est dans un souci pédagogique. Mais lui, il a dit, al-usul al-ishrin, voici notre livre, notre cahier, hein, sur lequel doit donc marcher le jeûne. Le jeûne doit suivre ce cahier, hein, cette charte, ce cahier, les jeunes doivent le suivre. Donc là, le cheikh l'a dit, explique-moi qu'il résume l'islam en ce qu'il a appelé les 20 fondements, ou bien explique-moi pourquoi il donne une importance exagérée à ces fondements mentionnés, d'accord, hein, à ces fondements mentionnés, d'accord. يبالغ في هذه الأصول العشرين التي أصلها هو التي قعد لها هو التي نظر لها هو ces 20 fondements qu'il a théorisé, il veut dire que ça c'est l'islam et ça c'est donc c'est très important. Alors que Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il dit 6 fondements, il va t'appeler à quoi? À التوحيد. Il va, lorsqu'il va parler de 6 أصول, il va te dire, hein, le premier fondement que les gens ils ont ignoré, beaucoup de gens ils ont ignoré, hein, c'est l'unicité, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Et il appelle donc à de l'appel de son messager, alayhi salatu salam, hein, de son messager. Lorsqu'on vient à donc l'usul thalath, il va te dire ma'rifatu al-mar'i dinahu, ma'rifatu ar-rabb, hein, wa ma'rifatu din l'islam bil adilla wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, hein. Donc là c'est pas la même approche, c'est pas la même approche, parce que là celui-là c'est un savant. Et alors que celui-là, c'est un politicien. Hassan Benna, c'est un politicien qui voulait s'accaparer du pouvoir, ni plus ni moins. Hein? Il voulait s'accaparer du pouvoir. Il a dit, le cheikh, ou bien explique-moi pourquoi il donne de l'important, une importance exagérée à ces fondements mentionnés. Hein? Explique-le d'une manière satisfaisante à Allah, à son messager, puis aux croyants. Et est-ce là autre chose que d'introduire une nouvelle législation en islam? Il rentre en islam et il donne une nouvelle législation. Et puis le dernier point ici dans cette réponse concise qu'il donne, il a dit, le point que j'ai intitulé ici le point M, hein, explique-moi sa prétention que at-tafwid, hein, ça c'est un point relatif à al-aqida qu'on va voir dans les sayfats, sa prétention que at-tafwid des attributs et la voix et la voix de tous les pieux prédécesseurs, sans aucune exception, sachant que c'est du tafouïd des sens qu'il parlait. Hein? De tafouïd donc des sens qu'il parlait. Il a prétendu, Hassan al-Banna, que la aqida de As-Salaf Salih est quoi? Et at-tafouïd. At-tafouïd. Du groupe al-Mufawida. Et at-tafouïd. On a deux choses, donc deux genres de tafouïd. Tafouïd, qu'est-ce que veut dire at-tafouïd? C'est-à-dire, fawwatu l'amr ila Allah, moi je ne le connais pas, je fais at-tafouïd à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc là, il y a deux genres de tafouïd. Tafouïd al-kaif, hein, tafouïd al-kaif, ça, les gens de la sunna, ils le font. Ils disent, kaifa hiya sifatullahi jalla wa ala, nous on fait at-tafouïd, on ne connaît pas comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne les connaît pas, on fait at-tafwid. Voyez, relativement au comment. Hein? C'est-à-dire comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? D'accord, on ne les connaît pas. On ne peut pas les connaître parce qu'ils n'ont pas été mentionnés. Comment ils sont dans le livre et dans la sunna. Donc nous, on les méconnaît. On fait le tafouïd relativement au comment. Mais il y a un autre tafouïd, hein, et c'est là qui est un tafouïd qui n'est pas du ressort des gens de la sunna. Les gens de la sunna le refusent. C'est un tafouid que font les gens de l'innovation. Ils vont te dire, moi je ne connais pas le sens de, par exemple, donc, Ar-Rahma. Hein? Moi je ne connais pas le sens de quoi? La miséricorde, Ar-Rahma. Ou bien donc de As-Sam' ou de Al-Basar, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire At-Ta'til. Je vais faire At-Ta'til ou bien je vais faire tafouid même. Je vais dire que je remets ce sens à Allah, je ne le connais pas. Je le lis dans le livre, etc. Mais je fais at-tafouid relativement à ce sens. Non, on ne fait pas ce tafouid, attention. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé par un livre qui est dans notre langue. Les gens, lorsqu'ils apprennent l'arabe, ils comprennent que as-sam', hein, ça renvoie à l'attribut, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est audion. Hein, à al-basar, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est clairvoyant, il voit ses créatures. Hein? Donc nous, on dit, relativement à cet attribut, on connaît son sens, on ne fait pas sa fouille de son sens. On connaît son sens, et que donc on croit en son sens, et on dit notre Seigneur, il a cette sifa, il a cet attribut, qui est al-sam', al-basar, al-rahma, al-nuzul, al-maji, al-ghadab, et ainsi de suite pour tous les attributs qui ont été mentionnés dans le livre et dans la sunna. Hein? Donc nous, on connaît leur sens, hein? Puisque donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il s'est adressé à nous dans notre langue, on comprend cela. Mais les choses qui n'ont pas été décrites pour nous, on fait tafouid. Lui, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire que les gens de la sunna, et pire que cela, les salaf salih, ils ont tafouid relativement à al-ma'ani. C'est-à-dire, ils disent, nous, on ne connaît pas l'essence, nous fawidouha ilallah. Or, les gens de la sunna, comme Malik, lorsqu'il a dit, al-istiwa ou ma'loum, il a dit, l'istiwa, l'établissement sur le trône, il est connu. Istawa, il a un sens en arabe, il est connu. Hein? Ala wartafa'a. Hein? Ala wartafa'a, donc l'istiwa, il est connu. Et ainsi de suite pour les autres attributs. Donc, nous, relativement au sens, on connaît le sens, si on y croit. Hein? Et relativement à Al-Kayfiyya, nous fawidouha. Lui, il dit hein, que Al-Sunna, ils font tafouid de Al-Ma'ani. Et ça, c'est khatir, et ça, c'est grave. Relativement à cela, ça, c'est grave. Et ça, c'est un point dans la Aqidah. Donc, le Cheikh, il a dit, explique-moi sa prétention que Al-Tafouid des attributs est la voix de tous les pieux prédécesseurs. Hein? Salaf Salih. Sans aucune exception, sachant que c'est du tafouid des sens qu'il parlait. Hein? Explique-le d'une façon satisfaisante à Allah, hein? À son messager et aux croyants, sinon qu'il ignorait la voix des pieux prédécesseurs. Il ignorait leur voix dans les attributs, ou bien qu'il mentait sans vergogne à leur égard. Il mentait vraiment sans... C'est-à-dire avoir honte de mentir. Il était en train de mentir à l'égard de Salaf Salih. Ça, c'est grave. De dire que Abu Bakr, Omar et Ibn Abbas ne connaissaient pas le sens de l'attribut al-Basar. Ils remettaient son sens à Allah. Ils disaient, nous, on ne connaît pas. Ça, c'est un grand mensonge à l'égard de Sahaba. Ça, c'est un grand mensonge. Hein? Sachant que les pieux prédécesseurs croient en le sens et font tafouid uniquement relativement à la manière, le comment. Les gens de la sunna font tafouid relativement à la manière, le comment que je vous ai dit. Non, on ne connaît pas comment, comme a dit Malik rahimahullah, walkayfu majhoul. Il a dit dans une autre version, walkayfu ghayru ma'qoul. On ne peut pas donc l'imaginer, puisque il n'a pas été décrit pour nous dans le Coran ou la sunna. Il n'a pas été révélé, non, on ne le connaît pas. Nous fawidou ilallah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Après cela, Cheikh Najmi rahimahullah, il a conclu cette première réponse en disant « Et finalement, je dirais, si tu expliques ces paroles déjà citées, hein, de manière ne contredisant pas la législation, et ne dépassant pas non plus ces termes, hein, ne dépassant pas ce que ces termes supportent, alors seulement je mériterai ton jugement. » Comme quoi j'aurais interprété ces paroles dans un sens qu'elle ne voulait pas dire. D'accord? Si tu vas m'expliquer cela, etc., ce qu'il a dans sa voix comme égarement grand, flagrant, hein? Si tu vas m'expliquer cela et que cela fait partie de l'islam, hein? Dans ce cas, moi, je mériterai ton jugement comme quoi j'ai exagéré en le critiquant. D'accord ? Et si tu n'arrives pas à cela, d'accord ? Et si tu n'arrives pas à cela, il apparaîtra donc que tu avais menti sur mon sujet. Hein, vous voyez ? Donc, al-haq, la ta'khudna fil haqq illa ma tulaim. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Il a dit, et si tu n'arrives pas à cela, à expliquer que ce qu'il était en train de prêcher, il est correct. Si tu n'arrives pas à prouver cela, donc tu as menti à mon égard, puisque moi j'ai dit qu'il a des égarements. D'accord ? Il apparaîtra donc que tu avais menti à mon sujet, hein, sur mon sujet, et que tu m'avais accusé injustement. Ittaham al-shaykh bil-batil. Hein ? Yudafi' an mubtadi' wa huwa al-banna. Il était en train de défendre Hassan al-Banna qui est un mubtadi', et il était en train donc d'accuser injustement un savant qui est Sheikh Najmi, qui est un grand savant, qui est un faqih, qui est un muhaddith, qui a écrit beaucoup de choses en islam, donc pour soutenir la voie de As-Salaf Salih. Il a expliqué beaucoup de livres de croyances. Il a fait un jeu, il a même, il est même donc le maître pour beaucoup de savants. C'est un maître pour Cheikh Rabi et pour Mohamed Mounadi et pour beaucoup d'autres. Hein? Il était très actif dans la région de Jazan, en Arabie Saoudite, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Donc là, le Cheikh, qu'est-ce qu'il a dit, rahimallah, hein? Et que tu m'avais accusé injustement. Et sache aussi que je ne te demanderai pas mon droit, combien même ton abus serait patent, même si ton erreur sera manifeste, que tu m'as fait une injustice. Je ne vais pas demander cela ici sur terre. Hein? Hein? Je ne le demande que devant Allah, le jour du jugement dernier. Parce que ça c'est une religion. Ou bien moi je me suis trompé, ou bien toi tu es dans l'erreur. On doit montrer la chose aux gens. D'accord? D'accord? Et il a dit, hein? Et sache que je ne demanderai pas mon droit, combien même ton abus serait patent, son reste serait manifeste. Je ne le demande que devant Allah le jour du jugement dernier. Ah, d'accord, hein? Nous, on est en train d'étudier quelque chose qui fait partie du sérieux. Hein? Et combien même, le cheikh il a ajouté, il a dit, mais j'accepte aussi que ce jury tranche entre nous. Il a dit, moi j'accepte ce jury. On va nous mettre devant Ibn Ubayz et devant ces gens, et ils vont dire qui est juste et qui a tort. Il a dit, j'accepte cela. Najmi, il a dit, nous, les deux parties, Najmi et Ben Zubrin, on s'assoit devant le jury, ils vont lire le 9e chapitre, ils vont nous dire qui a raison et qui a tort. Toi, tu as dit que le 9e chapitre, il est injuste de ma part, donc je ne dois pas publier ce livre. Moi, je dis que ce livre, je l'ai fait pour soutenir l'islam. On s'assoit devant le jury, ils vont trancher donc pour nous. Il a dit, j'accepte ce jury, que ce jury tranche entre nous. Qui est ce jury? Son éminence Cheikh Abdul Aziz bin Baz. Hein, rahimahullah. À l'époque, il était vivant. Hein? Maintenant, nous, on dit, rahimahullah, c'est un grand imam de l'islam, Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah. Hein, l'ex-mufti de l'Arabie Saoudite, mufti l'Anam, mufti l'Dawla Saoudia, rahimahullah. Son éminence Cheikh Abdul Aziz bin Baz. Il a dit, moi j'accepte qu'Abdul Aziz bin Baz, ainsi que les gens qu'il va citer, qu'ils tranchent entre nous. Abdul Aziz bin Baz, le mufti général du royaume, président de l'organisme des grands savants et président de la direction des recherches scientifiques et de l'IFSA. Hein? Deuxième membre du jury, hein, son représentant Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, hein, qui est le mufti actuel maintenant en Arabie Saoudite. Hein? Et le cheikh Salih ben Fawzan, l'éminent savant que nous connaissons, bihamdillah. Et cheikh Salih al-Atram, hein, rahimahullah. Il a accepté que ces gens soient dans le jury, et on leur présente le 9e chapitre, on le lit, et on dit qui a raison et qui a tort. Hein? Qu'ils lisent le 9e chapitre, du début jusqu'à la fin, et qu'ils se prononcent. Et qu'ils se prononcent, hein? S'il trouve que j'aurais interprété la parole de Al-Banna à contresens, qu'il me condamne. S'il trouve que moi, c'est-à-dire Najmi, hein, j'ai interprété ses propos à contresens, je lui ai fait une injustice, qu'il me condamne. Et s'il voit que celui qui avait prétendu cela à mon sujet m'avait accusé injustement, qu'il le condamne alors. Hein? Qu'il le condamne et qu'ils vont dire, toi tu as tort, toi Ibn Jabri. D'accord? Donc là, voilà, donc comment le shir, il a clarifié les choses, parce que ça c'est al-haq. Ça c'est les choses, c'est-à-dire qu'on doit donc suivre les gens de science. On doit être avec la vérité, hein, qui est démontrée par les preuves, et c'est ce que font les gens de la sunna. Les gens de la sunna ne vont pas écrire des, comme font les hizbis, etc., des livres qui relèvent de la pensée, etc., ou pour tromper les gens. Mais ils vont montrer l'adillah, ils montrent l'adillah. Regardez, tel vers qu'il dit, il se trouve dans son livre tel, voici la référence, voici la chose, voici ce que cela a comme signification en islam. Donc ils montrent les choses avec des preuves. Alors que les hizbis, ils font de longs livres, etc., pour tromper les jeunes, ils font donc pour duper, hein, les jeunes, et donc les tromper, et ne pas leur montrer la vérité. Très bien, peut-être qu'on va nous arrêter sur cela, puisque donc peut-être que c'est l'adhan, l'heure de l'adhan, de le Maghrib. On va nous arrêter sur cela. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer avec cette épître, que je considère comme étant une épître très importante du Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.